Quel âge avait cette coccinelle? Combien de bons points gagna-t-elle? Souviens-toi de nos jeux, nous on serait tous les deux. Le vent tournait les feuilles, tombant, virevoltant.